Cette blessure, où meurt la mère comme un chagrin de chair, où va la vie germer dans la forêt, qui fait de sang la blancheur des berceaux, qui se referme au marbre du tombeau. Cette blessure, d'où tu viens? Cette blessure qui se referme à l'orée de l'ennui, comme une cicatrice de la nuit, et qui n'en finit pas de se rouvrir sous des larmes qu'affirme le désir. Cette blessure, d'où tu viens? Le monde est en ruine. La forêt envahit tout. L'oubli nous ronge. L'emprise transforme les êtres et les choses. L'égrégore donne corps à tes peurs. Les horla se tiennent tapis près de toi. Salut Macalisse, Bonjour. bienvenue à cette partie de Boisseau, le jeu où tu vas vagabonder dans les ténèbres sauvages de la forêt de Millevaux. Quel programme. Donc du coup, je te propose de commencer avec une petite création de personnage. Oui. En fait, c'est un questionnaire, tu vas répondre à plusieurs questions concernant ton perso. Comme point de départ, tu as la description de l'univers que je viens de faire. Mais bien sûr, tu pourras me reposer des questions. Le premier point, en fait, c'est ton destin funeste. Alors, ce destin funeste, il n'est pas à ton choix, il va être tiré au hasard. Donc, tu peux tirer 3D6 à suivre. En fait, ça va donner un chiffre. Ça, pour les, un pour les centaines, un pour les dizaines, un pour les unités. Ah, il y a autant de destins funestes que ça. Ouais, je vais réduire au final, mais pour le moment, il y en a pas mal. Alors, 6, 1 et 4. Donc 614, si j'ai bien suivi. Ouais. Alors, ton destin funeste, en fait, tu as tiré une carte du tarot, tu as tiré la carte de l'étoile qui t'a révélé en fait quel destin funeste t'attend si tu n'y prends pas garde et si tu ne prends pas les mesures pour l'empêcher, quoi. Ce destin funeste, c'est une déesse demande à un de ses héros ou héroïnes hein, de tuer tous les autres dieux pour ensuite régner à ses côtés. Eh Donc, ben. disons que il se pourrait que tu te sois incluse ou inclus, selon le genre de ton personnage, dans cet écheveau d'espèce de guerre divine, quoi. D'accord. Du coup, je note en même temps pour l'avoir en tête. Ouais. Hop, alors la question suivante. C'est tu vas définir ce qui te donne la chasse et en parallèle à qui ou à quoi tu donnes la chasse. Donc tu es à la fois chasseuse et chassée. Et ce sera la même chose en fait pour les deux. Ah non, non, pas forcément. Je prends un exemple trivial. Tu peux dire que tu chasses des champignons et que tu es chassé par des chiens, quoi. Ah, ok, d'accord. Alors, dans ce cas, je vais mettre deux catégories. Donc pareil, 3D6. Non, là, par contre, c'est toi qui imagines. Ah, d'accord, ok. Alors, Qu'est-ce qui pourrait me donner la chasse? Est-ce que ça peut être lié à mon destin funeste, par exemple? Oui, si c'était utile, oui. Bah, du coup, je pourrais imaginer que ce qui me donne la chasse, c'est un dieu en particulier, non? Ouais, très bien, ouais. Alors, je sais pas si je veux tout de suite me mettre trop la pression ou pas, mais ça pourrait peut-être être un dieu plutôt mineur pour commencer. Ok. Très bien. T'es pas forcément obligé de le décrire plus, c'est toi qui vois, hein, ça peut suffire, dire un dieu mineur. D'accord. Et à qui ou quoi je donne la chasse? Alors là. Donc, je vais évoluer dans la forêt de Millevaux, c'est ça? Tout à fait, ouais. Je sais pas, je pense peut-être à un animal merveilleux qui, une fois tué, en fait, pourrait me donner une arme ou un bout d'arme que je pourrais forger justement pour éventuellement réaliser mon destin funeste après. Ok. Tu laisses sa description à plus tard ou tu veux déjà dire ce que c'est? Ben, là, la première chose qui me vient en tête, évidemment, c'est une licorne, mais je trouve que ça cadre pas forcément avec l'univers. Et du coup, je vais essayer plutôt d'imaginer autre chose. Donc, pour l'instant, je vais laisser la description Ok. en suspens. Très bien. Donc, il y a un deuxième couple de questions, c'est bah justement, c'est une question et une certitude. C'est-à-dire que tu vas définir d'un côté la question persistante que tu te poses et de l'autre la certitude intérieure qui fonde ta personnalité ou ta vision du monde. Donc, tu as une question et une certitude. Alors, donc, ma question, tu peux répéter s'il te plaît, si ça t'embête pas. La question, c'est la question persistante que tu te poses. Toi, c'est une espèce de doute qui t'anime en permanence au sujet, sur un sujet particulier. Et la certitude, c'est une certitude intérieure qui fonde ta personnalité ou ta vision du monde. C'est un aspect de la vie dont tu es certaine, quoi. C'est qui peut être, je dis n'importe quoi, les gentils gagnent toujours à la fin ou les fantômes n'existent pas, quoi. Très bien. Oh, mais qu'est-ce qui me fait? Alors, une question persistante que je me pose. Et une certitude intérieure. Alors ma certitude, je pense que c'est si je respecte la nature, il ne peut rien m'arriver de grave. Ta question. Après, la certitude, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est juste que je crois moi, Ouais, ça se trouve, ce sera peut-être démenti par les faits, ouais. mais voilà, d'accord. Et donc la question, eh ben, en fait, je pense que je vais me demander justement, est-ce que les dieux existent vraiment? Très bien. Ensuite, tu vas définir une croyance, c'est-à-dire une chose que tu crois sincèrement vraie dans ce monde, mais qui ne peut être vérifiée facilement par l'expérience. Bon, ta certitude, ça ressemble beaucoup à une croyance, mais du coup, ça peut être un truc proche ou autre chose, quoi. Est-ce que éventuellement tu veux que je change ma certitude et que je la mette en croyance ou Comme tu préfères. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être donc ma croyance, ça va être si je respecte la nature, il peut rien m'arriver de grave. Et la certitude intérieure, ça va être Peut-être quelque chose en rapport avec la justice, en fait. Il faut que je me fasse justice moi-même. Voilà. Ensuite, tu as une vertu et un vice. Donc, tu vas devoir définir ce qui semble être ta vertu cardinale, que ce soit un principe moral auquel tu ne déroges jamais ou une qualité profonde qui te caractérise. Et également, tu devras définir ce qui semble être ton vice, c'est-à-dire une défaillance morale, une noire pulsion, un trouble ou une habitude qui te nuit ou nuit aux autres. Alors, pour mon vice, j'ai une idée comme ça, assez classique, hein, mais je pense que mon personnage se drogue, en fait. Pour la vertu, curieusement, c'est plus difficile comme question. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme vertu? Est-ce que ça... Non, c'est quelque chose de moral, hein, principalement. Alors, une Bah, ça peut être en fait une défaillance morale. J'ai tendance à penser que du coup, la personne en a conscience. Ça peut être une noire pulsion, tu vois, donc Ah genre le oui, mais ça... cannibalisme, tu vois, un truc que tu contrôles pas forcément ou que t'as pas conscience que c'est mal, quoi. Oui, ça c'est pour le vice, mais pour le vice, j'ai Ah oui, déjà... excuse-moi, oui, la vertu, oui. Un principe. Alors oui, c'est mis soit un principe moral, soit une qualité profonde qui te caractérise. Par exemple, si tu mets, je sais pas, la gentillesse. Bah en fait, peut-être que ton personnage n'a pas forcément conscient d'être gentil ou n'érige pas la gentillesse, tu vois, en principe moral cardinal. C'est juste que c'est dans sa nature, il est gentil, quoi. Tout comme ça pourrait presque être un truc un peu extérieur, du genre t'apaises les gens autour de toi, tu vois, sans rien faire de particulier, c'est comme ça, t'apaises les gens. Ouais, bah justement, je pensais un peu à un truc du style, donc je vais mettre apaisant. Enfin, je sais pas encore si mon personnage est masculin ou féminin, mais Ah ouais. du coup, j'ai mis apaisante. Un souvenir qui te hante. Donc ça, c'est l'oubli te ronge. Pour autant, il te reste au moins un souvenir bien vivace. Il te revient souvent à l'esprit, même s'il est ra rarement clair et détaillé et qu'il varie à chaque fois, il te frappe l'âme au fer rouge. Alors du coup, comme ma certitude intérieure, c'est il faut que je me fasse justice moi-même, Ouais. je pense que je vais lier mon souvenir à ça. Et peut-être que ça va être la mort de ma sœur, quelque chose comme ça, devant mes yeux en fait, par d'autres personnes. Donc la mort de ma sœur. Assassiné devant mes yeux. Je sais pas par une personne. J'ai pas reconnu certainement qu'elle était encapuchonnée, donc ça pourrait être un homme, une femme, D'accord. j'en sais rien. Très bien. Alors ensuite, ta quête définit la chose que tu cherches vraiment à accomplir, la réalisation qui serait cruciale pour toi et que tu poursuis de tout cœur. C'est une mission personnelle suffisamment ambitieuse pour qu'elle te prenne toute la durée du jeu à accomplir, si jamais elle est atteignable. Alors pour information, la durée du jeu, on fait des tours de jeu qui correspondent à 24 heures dans la vie du personnage. Et je pense qu'on en fait à peu près tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Et donc on va faire 4 ou 5 jours, quoi. D'accord. Donc ma quête, je pense qu'elle n'est pas forcément atteignable, mais alors, Ouais. j'hésite entre deux. Donc j'hésite entre la vengeance ou peut-être retrouver, ouais, peut-être retrouver ma famille. Puisque j'étais peut-être partie en fait dans les bois avec ma sœur justement et leur donner le corps de ma sœur. pour qu'on puisse en faire le deuil. Ouais, ce qui est pas mal, c'est que du coup, il y a au moins finalement trois arcs narratifs au niveau de ton perso, retrouver sa famille, peut-être la vengeance, et puis cette histoire avec les dieux là. Et donc du coup, c'est riche, quoi. On n'exploitera peut-être pas tout, mais au moins on a du matériel, quoi. Alors, pour tes deux symboles, j'arrête pas de dire pour finir, mais c'est jamais fini. Choisis deux symboles qui sont importants pour ton personnage, dans sa vie, dans sa pensée, dans sa vision du monde. Un symbole, c'est juste un mot comme épée, amour ou rouge. Ça dit des choses au sujet de ton personnage ou de ton destin. Ces deux symboles te hantent littéralement et l'égrégore va transformer le monde autour de toi de façon à ce qu'ils apparaissent de façon récurrente et signifiante dans ta vie. D'accord. Donc, je pense que le premier symbole, ça va être le feu. Okay. Et le deuxième, bah, j'aimerais bien. Faudrait que je définisse avec quoi je me drogue, mais je verrais bien justement la plante qui est avec laquelle je me drogue. Comme ça, je serais toujours obligée de résister à la tentation, en fait, ou pas. Ouais, ok. Est-ce que je peux faire une suggestion de plante? Oui, bien sûr. Ça pourrait être le pavot jaune, en fait, qui permet de produire l'opium jaune. Donc c'est une drogue spécifique de Milvaux, qui est D'accord. une drogue qui fait, elle a deux effets. Éventuellement, on en sélectionnera qu'un, celui que tu préfères, qui est soit te faire percevoir la vérité. Tu vois, ça donne des espèces de révélations. Ou alors de te replonger dans tes souvenirs. D'accord. Sachant que dans les deux cas, il y a un léger effet secondaire, c'est que ça peut provoquer la folie, quoi. Oui. bah oui, ça me va très bien. Du coup, je préfère. La première vertu de cette plante, donc faire entrevoir la vérité, c'est ça. Ouais, ok, ouais. Très bien. Parce que du coup, comme on l'a vu, mes souvenirs, en tout cas immédiats, sont pas très jolis, jolis, donc. Okay. Ouais, t'as pas tellement envie de voyager dedans, quoi. C'est ça. Ça roule. Alors, tu vas tirer un D6 pour savoir qui t'accompagne, quel est ton entourage au début du jeu. 6. Tu es au milieu d'une foule. Ah, va pas être très facile pour traîner le corps de ma sœur. Ouais, bon, si je le dis maintenant, mais. S'il y a des tirages qui t'embêtent, il faut le dire et puis on peut retirer. Hein. Bah, je sais pas, là je trouve que ça cadre pas trop en fait avec. Ouais, bah retire dans ces cas-là. Oula! Je sais pas où est-ce qu'il est parti mon dé. Je vais en prendre un autre. Alors. 4. Ok, donc dans ces cas-là, il y a juste un être ou une chose qui te tient compagnie. Ok. Un être ou une chose. Eh ben, peut-être la poupée de ma sœur. Ok. La poupée en chiffon. Je vais te demander de te décrire du point de vue physique ou mental. Les deux ou juste un? Au moins un, Ok. Alors, physiquement, je pense que j'ai l'air un peu abattue. Du coup, je suis un peu repliée sur moi-même. Je note en même temps, du coup. Je pense aussi que j'ai. Enfin, ça se traduit dans mon regard. Je dois avoir un regard las. Ouais. Et mais qui doit vite s'animer en fait si jamais il se passe quelque chose, en particulier quelque chose avec mon histoire, que ce soit une possibilité de vengeance ou du coup si je suis sur la piste de l'animal magique que je recherche, etc. Ouais, donc tu restes en veille, quoi, en quelque sorte, ouais. Exactement. Et moralement, bah, je sais pas trop, donc je te propose qu'en fait on le joue et puis on verra bien. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc, cette fois-ci, vraiment pour finir, c'est vraiment le dernier point. C'est le commencement. Je vais te demander de réaliser un court roleplay pour introduire ton personnage, le présenter en situation, et tu peux y t'es invité à y inclure quelques éléments de ta feuille de personnage. D'accord. Alors, j'imagine que j'ai fait un bivouac pour la nuit, en fait. Donc, peut-être dans une petite clairière que j'ai trouvée. Donc, j'ai allumé un feu. Je pense que j'ai disposé le brancard sur lequel je traîne ma sœur avec soin près du feu. Comme si elle était encore avec moi, quoi, comme si on allait discuter en fait autour du feu. Peut-être je me suis assise sur un espèce de morceau de. En fait, un tronc coupé. Et du coup, la poupée de ma sœur est à mes pieds. Je l'ai adossée contre ce morceau de bois de tronc coupé. Et je m'apprête, je pense, à fumer. Donc, ton pavot jaune, ça peut se fumer comme on veut. Ouais, bah ça peut être un peu une sorte de pipe, mais Oui. après tu peux imaginer ça autrement si tu veux. Non, non, bah c'est parfait, c'est ce que j'imaginais, donc très bien. Et donc je dois commencer à me bourrer une pipe en fait pour de pavot jaune. Et je pense que ce que je m'apprête, enfin ce que j'aimerais bien voir comme vérité dans cette fumerie, c'est peut-être ben, retrouver soit la trace de l'animal que je chasse, soit l'identité de la personne qui a assassiné ma sœur. Peut-être aussi que je vais fumer pour arrêter de me poser des questions du genre pourquoi cette personne a tué ma sœur et pas moi, comment ma famille va recevoir la nouvelle. Est-ce que je vais réussir à accomplir les objectifs que je me suis fixés, parce que pour l'instant je me sens surtout très nulle en fait et incapable d'aller au bout de De tous tes défis, quoi. voilà, exactement. J'ai une question technique, parce qu'en fait, c'est vrai que dans ce type de jeu, il y a souvent la question de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est de la propriété du personnage ou du décor et des figurants. Et Oui. donc, est-ce que tu veux que ce soit toi qui décrive les effets de la drogue, notamment les révélations que tu as, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt de mon registre? Ben du coup, j'aimerais mieux avoir la surprise, donc je préférerais que ce soit toi. Mais Ok, ouais. si ça te va, hein, Ça sinon, roule, ouais, c'est très bien, je me débrouillerai. ouais. Ouais. Je pense que du coup, je vais laisser en suspens la réponse que te donnerait la fumerie, quoi. Ok. Éventuellement, ce sera révélé dans la première journée, quoi. Est-ce que ça te va? Est-ce qu'on finit du coup ton roleplay là-dessus ou est-ce que tu voulais prolonger un peu? Non, je pense que c'est bon. Enfin, du coup, c'est plus une espèce de mise en place, on va dire, que de roleplay. Mais Ouais, c'est ça. si ça te va comme ça, moi, c'est bon. Si j'avais quand même une question, je voulais savoir si Est-ce que tu as, d'une façon ou d'une autre, décoré ou embelli, le corps de ta sœur? Bonne question. Non, je pense pas spécialement en fait. Mais par contre, j'ai dû l'attacher sur le brancard pour pas qu'il glisse Ouais. avec peut-être des lianes ou quelque chose comme ça. Je me demande si en fait, justement, la nuit, quand je bivouaque, je m'amuse pas en fait à tresser des lianes pour les remplacer petit à petit les lianes simples par des lianes tressées, justement que ça soit pas un peu plus joli sur son corps. D'accord. Donc on va aborder la première journée, donc qui est le 30 du mois de Péril. Hop. Alors, en fait, je vais te donner des informations de contexte et des inspirations qu'on est censé, toi et moi, autant que possible, réinjecter en fait dans la journée. Oui. Sachant qu'en fait, on va pas jouer toute la journée, quoi. On va pas jouer 24 heures de la vie du personnage, mais seulement un moment, en fait. Donc, le lieu, d'abord. Je fais des tirages sur des tables. Hein. Ça va se passer dans une champignolaire hallucinogène. Ça commence. Ouais. Le moment, ça se passe pendant la presque nuit. Le climat du jour, c'est la tempête. Ce qui te tiraille aujourd'hui, c'est la faim. Et donc les inspirations, dans les inspirations, il y a toujours les symboles. Donc il y a un de tes deux symboles. En fait, je note les deux, mais en fait, c'est surtout qu'il faudrait il y en a l'un ou l'autre qui soit utilisé. Donc c'est le feu et le pavot jaune. L'historiette du jour, donc en fait c'est quand on ouvre l'almanach de Millevaux, on tombe sur une historiette au 30 jours de péril qui est prophétique en fait de ce qui peut se passer dans la journée. Alors, des fois c'est un peu cryptique. Hein. De tumulte rocheux en tumeur minérale, des blocs métamorphes dévalaient la rivière ou glissaient depuis les collines, pierres corrompues. Ok, donc là j'ai dû tomber sur un truc un peu cryptique, non? Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça parle de pierres vivantes, de choses comme ça. Alors, l'élément de Millevaux du jour, donc je t'ai expliqué les différents éléments de Millevaux au début, et en fait, il y en a un qui va être particulièrement prégnant aujourd'hui, et il s'agit des Orlas ou des créatures. Ok. Hop. Le détail forestier du jour, c'est le loup, le chien, l'ours ou le glouton. Donc, on va commencer la journée. Je vais faire un petit son. Le 30 de péril. Donc, j'ai brossé un peu le contexte, et je vais te demander en fait d'imaginer ce que tu t'attends à trouver ou à vivre aujourd'hui. Peut-être que la veille, en fait, j'ai trouvé des déjections de l'animal que je cherche. Donc, je pense clairement que ça va être un animal avec des bois ou des cornes, peut-être avec des cornes plutôt. Je pense il saute un peu comme une chèvre, il peut aller vite, quoi. Donc, c'est difficile de le pister. Et du coup, je m'attends en tout cas à trouver de nouveaux éléments de sa piste, puisque visiblement, je suis à ses trousses, quoi. Enfin, je suis sur son derrière, Ouais, on peut très dire. bien. Donc en fait, la créature effectivement semble agile et rapide. Et du coup, tant bien que mal, t'as suivi cette trace en fait, parce que là, hier, si tu veux, c'est le pavot en fait qui t'a révélé. T'as vu les traces, mais si t'avais juste vu les traces, on aurait pris du pavot, t'aurais pas tiré de conclusion. Et c'est le pavot en fait qui t'a clairement, en prenant le pavot, tu t'es dit ouais, en fait ça c'est l'animal que je recherche, quoi. Et donc c'est pour ça que tu t'es mis en chasse. Et en fait ta traque te conduit à une partie particulièrement escarpée et rocailleuse de la forêt, quoi. Et du coup tu as entrepris une périlleuse escalade au milieu d'une espèce de chaos rocheux, tu vois, qui semble tout de plus en plus monter en altitude. Et de loin en loin, tu trouves encore des empreintes, hein, de la créature, signe que, mais qui elle a l'air d'évoluer, tu vois, dans ce décor avec la plus grande aisance, quoi. Ouais, ce qui n'est pas trop mon cas, évidemment. Voilà, c'est ça. Et en plus, là, ça commence à être un peu compliqué, puisque eh bien la nuit est en train de tomber, quoi. C'est une espèce de moment très très irréel où il fait ni jour ni nuit, tu vois. Les couleurs sont comme abolies, de même que les odeurs. Et y a une espèce de suspension du son, quoi. C'est une espèce de moment où les animaux diurnes se sont tus sans pour autant céder la place aux animaux nocturnes, quoi. Une espèce de parenthèse de mise entre parenthèses du monde. Et il règne en fait une tempête. Et c'est pareil, c'est vraiment étonnant parce que c'est une tempête silencieuse, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vent, de pluie et tout, ce qui rend ton escalade d'autant plus périlleuse, quoi, bien sûr. Mais entre guillemets, on n'entend aucun bruit, quoi. Il n'y a pas le tumulte habituel des tempêtes. T'as des espèces d'éclairs d'orage, pareil, silencieux dans le ciel, quoi. Donc du coup je peux me repérer dans mon escalade, mais que à certains moments, disons quand les éclairs traversent le ciel. Ouais, si l'on veut, le reste du temps, t'es une espèce de demi-obscurité, quoi. J'imagine aussi que j'ai dû laisser le corps, le brancard avec le corps de ma sœur au pied de cet escarpement. Parce Oui. qu'évidemment, je pouvais pas la traîner avec moi. Ouais. Et là, je commence à clairement, les conditions ne sont plus du tout favorables à la chasse, quoi. Ouais. Bien Donc, sûr, en plus la faim te tiraille, hein. Peut-être que as-tu oublié ou n'as-tu pas eu l'occasion de manger durant ta traque? Et là, tu commences à souffrir de la faim. Alors on parle pas de la petite faim de, tu sais, qui se passe entre le goûter et le dîner, quoi. On parle de la grande faim d'une personne qui a sans doute très peu mangé depuis des jours, quoi. Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu cherches un abri comme ça à mi-hauteur? Est-ce que tu poursuis ta traque ou est-ce que tu descends parce que tu veux pas laisser trop longtemps le corps de ta sœur sans surveillance? Je pense que je suis plutôt enfin, j'hésite vraiment entre les deux. Mais là, je suis vraiment sur le coup. Peut-être que même des fois, dans l'après-midi, j'ai dû apercevoir la silhouette au loin de la bête qui continuait sa course dans dans les rochers. Et donc, j'ai pas envie de m'arrêter, en fait. Okay. Donc, je pense que quoi qu'il en coûte, je vais continuer. J'ai dû couvrir certainement le corps de ma sœur avant de me lancer à la poursuite de la bête. J'ai dû mettre des feuilles, des branches, etc. sur son corps pour pas qu'elle soit attaquée par des animaux sauvages ou ouais, bien sûr. Pour essayer de le prévenir un peu, quoi. Et donc, poursuivant, donc ignorant à la fois la faim et puis peut-être la peur qu'il arrive quelque chose à ta sœur, tu dis non, c'est bon, la traque, je suis trop avancé, donc tu continues, tu poursuis, malgré le danger, la tempête, les pierres glissantes. Et en fait, tu arrives à une espèce donc un peu plus haut, quoi, tu arrives à une espèce de caverne. Et visiblement, la bête est rentrée dedans, quoi. Et cette caverne est une espèce de grosse champignonnière, quoi. Donc, t'as des énormes champignons baveux. Certains dégagent des nuages de spores par une espèce de canal central, tu vois. Et l'atmosphère est relativement enfumée, quoi. Ouais. Je vois. Je pense en tout cas. Alors, du coup, je dois avoir sur moi quand même un certain nombre d'armes de survie. Je pensais plutôt à des choses liées au lancer, quoi, plutôt que des armes au corps à corps. Très bien, ouais. Donc, peut-être que je pense que je dois avoir un arc et des flèches, et puis des couteaux qui me servent, que je peux lancer, mais aussi qui vont me servir évidemment à forger d'autres flèches avec du bois. Parce que j'aurais pas toujours des flèches avec un bout en fer. Il y a bien un moment où ma réserve va s'épuiser. Ouais. Du coup, je vais avancer la main sur un de mes couteaux, en fait, pour être sûre que si jamais je croise l'ombre de la créature. Je ne perds pas une seconde avant de lancer mon arme. Ouais, très bien. Donc, durant ton exploration, en fait, de cette caverne remplie de champignons, tous plus hors de proportion et bizarres les uns que les autres, et tous plus, enfin, tous dégageant des espèces de stores toxiques et tout. Ça prend quand même un certain temps. Il n'y a pas forcément de danger immédiat, c'est juste suivre une piste, quoi. Et du coup, ça te donne l'occasion, volontairement ou non, de méditer, en fait. Les choses se passent avant tout à l'intérieur de toi-même. Et en fait, tu vis une introspection qui est liée à ton choix, à ta vertu ou à ton vice. Ok. Très bien. Je pense que là, clairement, ce qui m'occupe, c'est mon vice. Donc, évidemment que je suis droguée la plupart du temps au pavot jaune. Mais je pense que la présence de ces champignons et peut-être de leur sport qui doit m'atteindre un petit peu au niveau mental me donne très envie, en fait, de m'asseoir. D'arrêter la chasse et puis de m'abandonner à des visions je sais pas, psychédéliques, c'est peut-être un peu hors de propos dans le contexte, mais c'est pour donner une idée, quoi. Tout à fait, ouais, bien sûr. Y a ça, et puis aussi le fait que j'ai faim. Donc évidemment le fait de cheminer entre ces énormes champignons, même si je sais que c'est certainement pas bon pour moi. Ouais, tu ressens une tentation de consommer, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, il y a une émotion qui va finir par t'envahir et probablement te dicter ta conduite. Et en fait, elle est tirée au dé, quoi. Ok. Il y a un tirage, en fait. On jette deux dés, un dé pour les dizaines, un dé pour les unités. Mais en fait, tu peux éventuellement essayer d'avoir deux tirages. Du coup, tu choisirais ton préféré. Mais à condition de renoncer au réconfort qui survient d'habitude en fin de journée. En fin de journée, il y a une phase de réconfort. Mais si tu y renonces à cette phase de réconfort, tu peux faire deux tirages. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères? Ah, il faut que je choisisse maintenant. Ouais. Non, je vais. Je pense que je vais prendre la première émotion qui vient avec les dés. Ok, donc vas-y, jette 2 dés, des Oups. anonymités. Décidément, j'arrête pas de faire tomber mes dés. Alors, donc, je vais en même temps. Donc, ça fait 26. 46, pardon, excuse-moi. 46, tu es envahi. Oula, cette space. Tu es envahi par l'ennui, en fait. D'accord. Donc, je pense, en fait, ben, justement, tu disais tout à l'heure que ce qui se passait, c'était principalement à l'intérieur de moi, Ouais. puisqu'on était dans une traque. Et je pense que, ouais, peut-être au bout d'un moment, je commence à. Il n'y a plus d'action, quoi. Il n'y a pas d'action. Je suis plus en train d'escalader l'escarpement. Il doit y avoir aussi ce décor de champignons qui varie pas en fait. Peut-être tous les champignons se ressemblent d'un coup D'une de certaine boîte à manière, un autre, ouais. ouais. Et puis je vois, j'ai pas vu depuis tout à l'heure l'animal ni son ombre. Et peut-être oui, je suis envahie donc par un ennui. Assez profond et j'ai envie d'action là, mais ça vient pas en fait. Je me demande si ça se couplerait pas, je parle sous ton contrôle, à une sensation de perte de la notion du temps en fait. Oui, tout à fait. Ça me paraît assez logique dans ce. Dans cet environnement, ouais. Ouais, tout à fait. Ok. À la fin de cette introspection, en fait, tu vis une transformation physique ou mentale à ton choix. Du coup, avec les champignons, je pense que ça va être une transformation mentale. Et je pense que du coup, jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt prudent dans la forêt. Ben, déjà parce que je protégeais le corps de ma sœur, parce que je restais souvent avec lui pour j'essayais de voilà. Et là, je pense que c'est plutôt une certaine imprudence une certaine impatience qui va m'habiter. Ouais. Okay, et, oui. Et voilà, je pense que c'est cette journée va. Enfin, et en particulier l'ennui qui en résulte va provoquer ce changement chez moi. Ouais, je vois. Je pense que, ouais, à ce stade-là, tu n'as pas retrouvé encore la créature, quoi. Ce serait trop facile. Puisque cette caverne semble être à la fois un labyrinthe physique, mental et temporel, quoi. Et après cette aventure que tu viens de vivre, tu connais un moment, une pensée ou une sensation qui t'apporte un peu de réconfort, de réparation, de soulagement ou de sécurité. Donc, sachant que ça peut être interne, c'est-à-dire que c'est ton état d'esprit qui évolue jusqu'à ce que tu atteignes un réconfort, ou alors tu peux demander à ce que ce soit externe, c'est-à-dire que c'est par c'est moi, en décrivant le décor et les figurants, je vais amener quelque chose d'apaisant pour le personnage, quoi. Ouais, bah, je pense que ce serait plus lié au décor, du coup, parce que là, on a vu, mes pensées sont pas... sont pas géniales, hein, mais par contre, peut-être s'il y a un changement dans le décor, ça pourrait éventuellement m'apaiser un peu. Alors. En fait, au bout d'un moment, dans une espèce de grotte. Donc c'est plus un réseau labyrinthique comme la champignonnière, quoi. C'est une grotte d'un seul tenant, une gigantesque caverne naturelle. Au plafond, en fait, le plafond est couvert de stalactites et il y a des stalagmites aussi qui montent du sol. Certains se rejoignent pour former d'immenses piliers naturels, tu vois, gluants. Et t'as une forêt en fait d'arbres, tu sais, d'arbres blanchâtres et aveugles qui peuplent en fait cette grotte. Et le sentiment de réconfort vient déjà de que tu es sorti en fait du labyrinthe de champignons, alors que ça aurait pu être très bien un piège mortel au final. T'en es sorti, il y a toujours des traces de la créature, donc tu n'as pas perdu le fil, quoi. Et puis, si t'es d'accord, je pense que c'est sans doute le moment que tu choisis pour tirer une bouffée de pavot, ne serait-ce que pour essayer d'ici de lutter contre les effets délétères des champignons. Tu Oui, vois, tout un petit à peu fait. guérir le mal par le mal, quoi, entre guillemets. Et à ce moment-là, en fait, t'as une vision de la créature. Qui n'est pas là, hein, c'est juste une vision. Et donc tu vois, c'est une espèce de. Ça ressemble beaucoup à un bouquetin. Oui. Mais il n'a qu'une. Donc tu sais, avec les cornes assez enroulées, quoi. Ouais, je vois. Mais en fait, il n'en a qu'une de corne. Et D'accord. donc c'est cette corne-là unique sur un côté pourrait très bien être l'arme que tu cherches, quoi. Et c'est clairement une sorte d'animal sacré. En fait, il est couvert de colliers de sequins. Il a des espèces de peintures tribales faites avec du sang sur son front et sa gueule, quoi. Et comment ses yeux sont, tu vois, ses yeux sont blancs et dégagent une espèce de luminescence. Et il y a dans son poil, comment, t'as un poil très, ça qui forme quasiment des dreadlocks, enfin assez sale, tu vois. Il y a tout un tas de reliefs de la forêt, des feuilles mortes, de l'humus et tout. Enfin, ça a l'air d'être une créature vraiment proprement tellurique. Ouais, je vois. Et le bouquetin te dit par télépathie, il fait, tu es sur la bonne voie, tu finiras par me trouver, quoi. Très J'ose bien. espérer que c'est suffisant en fait pour t'apporter du réconfort. Oui, tout à fait. Je pense que ça m'apporte pas mal de réconfort et je pense si je peux ajouter quelque chose. Du coup, Ouais. je pense aussi que le fait de passer une nuit pour une fois loin de ma sœur, eh ben quelque part ça me Ça t'enlève la pression, quoi. ouais. Maintenant, c'est la fin de la journée. Ta journée se termine toujours avec quelque chose de laissé en suspens. Oui. Donc, en l'occurrence, c'est un doute émis. En fait, il y a quelque chose qui semblait assez clair qui finalement est remis en doute. Et donc, la question que je te pose, toujours là pour la fin de la journée, c'est est-ce que ce retournement de situation, il vient de toi? C'est-à-dire que toi, tu te mets à douter de quelque chose, ou est-ce que c'est un décor ou un figurant qui va remettre tes certitudes en question? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui joue ou toi, en gros? Ouais, c'est ça, ouais. Ben, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais émettre mon doute, Ouais. et puis toi, éventuellement, tu pourras plus tard peut-être t'en servir, je Bien sais sûr, pas. Du coup, je pense que quand même, quand je recommence à avoir un peu les idées claires après avoir fumé mon pavot et que les effets se soient un peu estompés, je repense évidemment au corps de ma sœur et je me demande si je l'ai vraiment bien protégée. Est-ce que les charognards de la forêt ne vont pas le trouver? Dans quel état je vais le retrouver demain? Et évidemment, cette pensée commence à me torturer un petit peu. Et je vais me permettre de rajouter une dernière vision de Pavot, en fait, où tu vois en fait une créature qui marche dans la forêt. En fait, c'est un glouton. Tu vois un peu c'est quoi les gloutons? Ben non, pas trop, j'allais te demander justement. En fait, le glouton ou carcajou, c'est un gros mammifère très vorace. Donc qui marche à quatre pattes. Ça ressemble un peu à. C'est à la taille d'un petit ours, tu vois. Je suis en train de voir des images là, oui. Ouais, voilà, bon, très bien. Et en fait, c'est une bestiole à la voracité incomparable, quoi. D'accord. Et qui est aussi réputée pour être absolument increvable. Enfin, c'est le cauchemar des chasseurs, quoi. Et d'avoir vraiment une intelligence vicieuse, tu vois. Et t'as ce glouton, en fait, qui a le poil couvert de traînées de sang noirâtre. Il a des filets de pus qui lui sortent des narines. Il grogne, il a les babines retroussées, tu vois, et il évolue comme ça dans les taillis. Et tu sens que clairement, bah, il est à la recherche d'un truc à bouffer, quoi, qui pourrait être, par exemple, il serait prêt à se repaître d'une charogne trouvée sur le chemin sans problème, quoi. Ah là là, c'est pas très engageant tout ça. Ok, donc effectivement, la journée s'achève sur cette espèce de rumeur en fait du glouton en approche. Le premier de messe. Donc, cette nouvelle journée va commencer dans une grotte. En fait, j'avais anticipé sur ça. Cette fois-ci, ça se passe au crépuscule. Le climat, c'est le brouillard. Ce qui te tiraille aujourd'hui, c'est la soif. La totale. Donc tes symboles sont toujours le feu et le pavot, tu peux en changer à tout moment hein, si tu estimes qu'ils sont devenus obsolètes. L'élément de Milvaux présent, c'est l'emprise ou la transformation. Et L'historiette du jour. C'est depuis que je suis aveugle, je ressens l'égrégore, je vois les émotions, lis dans le passé le futur. J'ai bien fait de me crever les yeux. Moi, j'ai mon pavot jaune pour tout ça. Hop. Les détails forestiers du jour, ça va être les lianes grimpantes ou rampantes. Et voilà. Donc je vais te demander ce que tu t'attends à vivre ou à trouver en fait aujourd'hui, quoi. Ben là, après la vision du glouton que j'ai eue la nuit d'avant, il faut que je choisisse en fait entre finalement entre aujourd'hui, en tout cas, entre ma sœur et la créature. Et en même temps, je ne vais pas retourner dans le labyrinthe de la champignonnière, parce que je ne suis pas sûre de retrouver... Ouais, d'en sortir cette fois, ouais. C'est ça. Donc non, je vais peut-être continuer mon cheminement. En tout cas, ce que j'espère trouver, que ce soit après que je retrouve ma sœur ou que je retrouve la créature, c'est au moins la lumière du jour, quoi. Ou l'air ouais. du jour. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça te va pas du tout de rester dans les souterrains, quoi. Donc t'as décidé de tant pis, tu fais pas marche arrière, tu progresses donc dans la forêt d'arbres blancs, dans cette espèce d'énorme caverne calcaire, tu vois, avec les stalactites, les stalagmites. Cet endroit aveugle et blême. Donc tu vois pas grand-chose, mais tu vois quand même un tout petit peu parce que, si tu veux, tu as le jour rasant du crépuscule qui pénètre par quelques gouttières naturelles, tu vois. Donc, tu as des espèces de faibles halos de lumière qui percent ça et là, tu vois, comme des trouées. Mais c'est évidemment une source d'éclairage qui est appelée à disparaître au fur et à mesure que le temps passe. Et ça te fait déjà une journée, effectivement, que tu progresses à la recherche de la créature. Bientôt, sa piste deviendra à nouveau invisible. Oui, sachant qu'elle est quand même drôlement plus rapide que moi. Ouais, c'est ça. Pour ainsi dire, t'es finalement à peine seulement. Je sais pas si tu suis la piste ou si t'es guidé par des flashs de pavot. C'est difficile de faire la différence entre les deux. Et en plus de ça, si tu veux, tu as une espèce de s'infiltrant par les anfractuosités, tu as des espèces de pans de brume qui commencent à envahir la grotte, rendant évidemment la progression d'autant plus difficile. Et je pense aussi, si je peux rajouter quelque chose, Ouais. que je dois suivre la piste de la bête, mais peut-être que je suis un peu distrait par le fait que je guette un bruit de glouglou. Pour voir si évidemment si à un moment je pourrais éventuellement me zut. Boire. Voilà, boire. Et donc je cherche éventuellement le bruit d'une source. Eh bien, tu finis par identifier justement un bruit de glougloutement. Et donc, à pas de loup, tu progresses et tu découvres effectivement une source qui a l'air, tu vois, c'est de l'eau qui tombe d'un grand stalagmite comme ça. Le seul problème, si tu veux, c'est qu'il y a un humanoïde qui est déjà en train de boire. Donc, c'est une femme torse nue. Elle est relativement difforme et osseuse. Et tu vois, les pieds nus, enfin jambes nues, enfin elle a l'air assez primitive, quoi, pour pas dire presque retourner à l'état animal. Et donc elle boit l'eau à grande rasade. Oui, bah, Par je contre, elle pense. semble pas dangereuse dans le sens où elle est quand même vachement frêle. Ouais. En situation de combat, elle serait pas un danger, quoi. D'accord. Bah, de toute façon, j'en peux plus là quand je vois cette eau, il faut que je m'approche, qu'elle soit là ou pas. Et je vais certainement pas attendre qu'elle parte. Il me faut de l'eau tout de suite. Ok, ouais. Je vais m'approcher et puis mais doucement, histoire de pas l'effrayer, parce que je veux pas qu'elle se jette sur moi. Ou en plus j'ai toujours faim, donc je pense que je dois pas non plus. Je dois me sentir un peu faible. Et j'aimerais pas me retrouver dans un combat maintenant, ou en tout cas le seul combat que je veux avoir, c'est avec la créature que je chasse. Donc je vais m'approcher tout doucement et puis regarder un peu ses réactions au fur et à mesure. Dès que je vois qu'elle me donne plus ou moins l'autorisation dans son attitude, bah, boire aussi. Ouais. La créature s'écarte en fait à ta vue. En fait, elle saute de l'autre côté de l'eau. En fait, elle te laisse boire et elle te surveille du coin de l'œil. Très bien. Et puis au bout d'un moment, elle fait dans une espèce de langage assez appauvri, hein, elle fait êtes-vous en train de suivre la piste? Je pense que j'acquiesce tout doucement. Je veux pas le dire à haute voix parce que j'ai peur que ça me porte malheur en fait, mais oui, je hoche la tête. Ainsi donc, c'est vrai. Ainsi donc, ce qu'on croit, ce qu'on entend, c'est vrai. Alors, quelqu'un va s'emparer de la corne pour tuer les dieux. Pareil, je hoche la tête. Aussi parce que là, encore une fois, je veux pas mettre des mots dessus parce que c'est quand même un peu présomptueux de me dire Ouais. que je vais tuer les dieux. Donc, je veux pas non plus le dire à haute voix. Et puis, on sait jamais si les dieux existent, ils pourraient m'entendre. Elle t'offre un grand sourire édenté et tout. Elle dit j'ai moi-même beaucoup de griefs contre les dieux. Leurs querelles ont altéré mon corps. Et si tu peux me venger, alors j'en serais ravi. Je pense que du coup je lui dis j'ai déjà quelqu'un à venger, donc une personne de plus, ça peut tout à fait s'envisager. Donc très bien, j'ajoute ton nom à la liste de ceux que je dois venger. Alors laisse-moi t'aider. Bientôt, on n'y verra plus rien dans la grotte et tu vas perdre un temps précieux si tu attends le jour prochain pour reprendre ta traque. Il y a une solution, il y a une solution pour continuer la traque de nuit. Oui, je t'écoute. Enfin, je pense que j'ai le regard très très attentif. Je vois en fait, je vois le pavot à ta ceinture, le pavot jaune. Bande-toi les yeux et consomme du pavot jaune et tu pourras en fait, tu pourras suivre la piste. Tu n'auras pas besoin de voir parce que le pavot te guidera. Très bien, je lui dis quelque chose du genre, c'est quelque chose que j'avais pressenti, mais du coup, maintenant que tu me donnes ce conseil, j'ai très envie d'essayer. Je te remercie pour ton avis, et du coup, je te souhaite une bonne continuation. Oh, il n'y a plus rien de bon qui m'attend en ce bas monde, si ce n'est peut-être la délicieuse consolation d'apprendre que ceux qui m'ont fait du tort tomberont à leur tour. Ben du coup je vais lui demander. Oups, désolée. Je vais lui demander. Voilà. Pardon. Je t'en prie, chacun son tour. Les aléas du direct. Je vais lui demander, est-ce que, où est-ce que je peux te trouver pour t'assurer que ton vœu a bien été rempli? Je vais errer ça et là, mais le pavot saura toujours te dire où je suis. Très bien. Eh bien, j'espère pouvoir t'apporter un jour une bonne nouvelle alors. Et en fait, elle te verse de l'eau de la source sur le front, un petit peu comme une bénédiction, tu vois. Et puis, si tu lui donnes la permission, elle te bande les yeux. D'accord, ben je lui donne la permission alors. Ok. Et donc, je suppose que tu consommes le pavot dans la foulée, quoi. Oui, ben du coup, avant qu'elle me bande les yeux, certainement que je bourre une pipe pour. Ouais, voilà. Et en fait, quand le pavot commence à faire effet, les choses deviennent vraiment très étranges parce que du coup, tu as les yeux bandés, tu le sais, tu sens le bandeau sur tes yeux. Mais tu vois, alors je dirais pas comme en plein jour parce que c'est comme s'il n'y avait pas de notion de luminosité en fait. Tu vois les choses, mais tu sais pas s'il fait jour ou nuit. Et en plus de voir les choses, tu vois comme tout un tas de branches qui partent de chaque chose, qui pour les relier aux autres. En fait, c'est des espèces de liens métaphysiques entre les choses qui te sont visibles aussi, tu vois. C'est comme si tu étais dans une forêt de sens. D'accord. Et donc, les branchages sont plus denses là où en fait ton destin est censé te mener, tu vois. Et donc, c'est vraiment une espèce de, t'es vraiment dans une espèce de réalité augmentée, quoi. Ok. Et typiquement, clairement, tu as une espèce de gros branchage principal qui montre la piste. Donc c'est vraiment hyper facile de suivre la piste, en fait. D'accord. Parce que Bon. tu as juste à guider, tu as juste à te laisser porter par cette branche principale. Bah du Alors que coup, je... d'habitude, reconstituer la piste de la créature est un espèce de puzzle un peu fastidieux, quoi. Oui, c'est ça, entre les empreintes, les déjections, éventuellement les traces laissées par sa corne, Ouais, etc. voilà. Et tu vois aussi effectivement une branche importante qui te rejoint à la créature de la source, quoi. Qui te laisse penser que tu pourrais effectivement la retrouver facilement par ce procédé, quoi. D'accord. Très bien. Est-ce que du coup tu poursuis ta traque grâce à ce moyen Oui, narcotique? je pense que du coup ça décuple en fait ma volonté, mon courage et puis peut-être mon énergie. Le fait d'avoir bu aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc oui, je vais poursuivre ma traque même Ouais. si le soir est en train de tomber. D'accord. Et donc en fait, ta traque est vraiment facilitée, notamment parce que en plus, la branche principale t'écarte de tous les pièges, les accidents du terrain, en fait. Dans telle crevasse que tu aurais dans laquelle tu aurais pu tomber, en fait, si tu suis exactement la branche, tu l'évites, tu vois. Enfin, c'est vraiment la branche te donne le plus court chemin pour y arriver, quoi. Et finalement, tu finis par littéralement engloutir le retard que tu avais. D'accord. Et donc, tu arrives au cœur de la forêt de calcaire, quoi. Où en fait, le bouquetin est en train de frotter sa corne unique contre une espèce d'énorme pilier de calcaire, quoi, tout visqueux, enfin, qui semble procéder d'un écoulement multimillénaire, quoi. Et ça a l'air d'être une sorte de pilier sacré, quoi, Et donc la créature se frotte au pilier, en quelque sorte peut-être pour lui rendre ses dévotions. Et tu vois des branches qui partent de tes flèches, de ton carquois, pour aller jusqu'au cœur de la créature, quoi. Ouais, bah, je pense que du coup, c'est pas vraiment le moment d'enlever ce qui me bande les yeux. Et je pense que je vais en effet prendre mon arc et prendre une flèche et la bander directement pour sans perdre de temps Ouais, tout tandis que la créature se tourne vers toi et en fait littéralement te charge, quoi. de suite. D'accord. Donc On n'a pas prévu de se laisser faire, quoi. ça va être à celui qui arrive en premier, quoi. Ouais, donc je vais te demander en fait quel but tu cherches à atteindre. Je suppose que c'est tuer le bouquetin, mais peut-être que Oui. tu veux être plus précise. Non, ok. Non, bah je, ouais, tuer le bouquetin et je pense que j'imagine en tout cas que la branche pointée vers son cœur et je pense que c'est là que je précisément que j'aimerais le toucher la créature. Ouais, le bouquetin fonce vers toi et toi tu étais prête à décocher ton arc. Je vais te demander en fait d'anticiper les conséquences négatives d'un échec et également les conséquences positives en fait, parce qu'il y aura peut-être des conséquences positives si tu loupes ton objectif. Ben, je pense que les conséquences négatives, ça va clairement être une blessure, hein, comme je le vois. Ouais. Les conséquences positives d'un éventuel échec. Eh bien, je me demande si ça pourrait pas être le fait que de toute façon, la créature, comme elle a frotté sa corne sur l'espèce de gros pilier calcaire, je pourrais pas éventuellement aller recueillir en fait de la poudre de sa corne qui pourrait éventuellement m'aider à poursuivre ma quête et ma chasse contre elle, Ouais, peut-être donc, avec un conséquence positive, c'est que peut-être tu découvriras un moyen d'arriver à tes fins sans tuer la créature, quoi. Oui, d'accord. Ok. Alors, donc si tu t'obstines à vouloir atteindre ton but, tu vas devoir lancer un dé. Sachant que tu peux aussi vouloir lancer deux dés. Alors, pour lancer deux dés, et du coup choisir le meilleur. Et pour pouvoir lancer 2D, il faut que ce but soit important pour ta quête. Mais bon, là, j'ai envie de dire, c'est important pour ta. Alors, non, remarque, ta quête, c'est pas du tout ça. Donc, c'est pas important pour ta quête, en fait. Ou alors, tu peux avoir un deuxième dé si tu utilises ta vertu, ton vice, ou une des choses ou une des choses ou des personnes qui t'accompagnent. Ce bonus n'est pas cumulatif, hein, donc tu peux juste avoir un dé bonus, mais pas 10 000, quoi. Tu m'as dit le symbole ou En fait, tu as un bonus si c'est important pour ta quête, ce qui n'est pas le cas, ou si tu utilises ta vertu, ton vice, ou une des choses ou des autres qui t'accompagnent. Bon, pour le coup, de toute façon, je pense que tu utilises ton vice parce qu'en fait, tu es sous influence de la drogue. Oui. Et puis en plus, tu utilises aussi ton matériel, donc tu as tout à fait droit au bonus, quoi. Ok, donc je vais lancer 2 dés. Donc je fais 5 et 5. Ok. Tu atteins ton but sans contrepartie. Ok. Donc là, super coup bah, sans doute dû à l'assistance de la drogue, tu fais un tir parfait, quoi, qui frappe en fait qui frappe le bouquetin avant qu'il ait pu t'atteindre lui-même, quoi. Donc il s'écroule à 50 cm de toi d'une flèche en plein cœur, quoi. Bah du coup à ce moment-là j'enlève mon bandeau et puis je m'approche Je je suppose que prends du coup il fait assez la nuit noire maintenant. ouais je dois avoir l'air complètement abasourdi peut-être avec la bouche ouverte et de voir surtout que ce que je voyais dans ma vision s'est produit en vrai. Ça doit être assez impressionnant. Tout à fait. Du coup, je m'approche de la bête. Et puis, bah, de toute façon, ce n'est pas le moment hein, pour l'instant de prendre sa corne. Mais au moins, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me blottir contre elle pour la nuit. déjà pour la chaleur et puis aussi pour être sûre, je vais peut-être mettre carrément mes bras autour d'elle pour être sûre qu'elle m'échappe pas, pour être sûre qu'elle est bien là et que je la retrouverai bien à mes côtés au réveil. Ouais, je vois, ouais. On peut considérer que ça correspond à ton réconfort de la journée, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, la journée s'achève sur à nouveau un doux demi. Bah là, le doute, ça va être clairement, est-ce que je vais retrouver le corps de ma sœur un jour, quoi? Voilà. Et où est-ce qu'il va falloir que je fasse une croix dessus? Ouais, je vois, ouais. Ok. Donc, ceci conclut la journée. Le 2 de messe. Alors, le deuxième de messe va se passer dans un lieu sacré. Ok. Pendant la nuit brune, le climat, c'est la tempête à nouveau. Ce qui tiraille aujourd'hui, c'est le manque causé par l'oubli, qui en fait assez proche d'un manque de toxico, tu vois. D'accord. Les symboles sont toujours le feu et le pavot. L'élément de niveau du jour, c'est les orlas ou les créatures. L'historiette du jour. Seul passage à travers la forêt, source de vie, l'endroit pour traverser pour effacer ses traces, la rivière est un espoir et aussi un piège. Et le détail forestier. Okay, alors, hop. Détail forestier du jour, c'est le corbeau. Ça va pour le moment, j'ai pas trop fait de points jusqu'à présent. Ah oui, pour l'instant, tout va bien. Okay. Donc pour information technique, le premier jour, en fait, on a joué une introspection. Et le deuxième jour, on a joué une péripétie, puisqu'en fait, il y a trois types d'aventures, introspection, péripétie, qui sont tirées au hasard, ou sinon exploration, qu'on n'a encore pas joué pour le moment. D'accord. Donc avec des sous-systèmes qui sont un peu différents. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre ou à trouver aujourd'hui? Bah encore une fois, j'aimerais bien sortir de cette grotte, quoi. J'ai l'impression que je suis presque condamnée à vivre dedans maintenant. Ça fait 2 jours que j'y suis là. Mais Est-ce que est-ce que je m'attends à en du coup sortir? à tes yeux, le lieu sacré, c'est là où tu as tué le bouquetin, ou est-ce que c'est un autre lieu? Ben, à mon avis, ça doit être le lieu où j'ai tué le bouquetin, Ouais, c'est ça, ouais. puisque tu m'as dit toi-même qu'il y avait cette espèce de gros pilier là qui... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que t'es resté bah, finalement quasiment ouais, plus de 24 heures au même endroit, quoi. Enfin, remarque, on sait pas trop, soit 24, soit plus de 24 heures, soit juste une nuit. Parce que finalement, on sait pas trop à ce niveau, quoi. Mais ouais, t'es resté un moment indéterminé au même endroit. Et t'aimerais bien trouver comment sortir, quoi. Oui. Avant ça, cela dit, il va falloir que je dépèce un peu la bête que j'ai tuée. Ouais. Et enfin, je veux pas lui prendre sa fourrure ni quoi que ce soit. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est sa corne, en fait. Mais évidemment, il va falloir que je réussisse à lui arracher. Bah, heureusement que j'ai des couteaux sur moi, mais je sais pas forcément très bien comment m'y prendre. Donc, je pense que ça va me prendre du temps. Ouais, c'est peut-être ça aussi qui peut expliquer que tu as été retardé, ouais. Donc, suite à le repos que tu étais obligé de prendre et puis le dépeçage et tout, tu finis par. Arrive quand même le moment où tu te décides à essayer de retrouver ton chemin, à quitter le lieu sacré, quoi. Qui s'avère d'ailleurs en fait être. En fait, il semblerait que le pilier en lui-même a l'air d'être le départ d'une espèce de véritable Stonehenge, tu vois, comment troglodyte. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une enfilade de piliers qui ont tous ce même air sacré, quoi. Sans doute que le pilier central, tu vois, est le nexus de l'endroit, mais en fait, il y a des ramifications et tout. Ouais. Et donc, il y a plein de. Ouais, tout a l'air. Ça a l'air d'être une véritable cité sacrée, quoi. D'accord. Et dans lequel des mousses poussent comme une espèce de réseau. Au fur et à mesure, le plafond est de plus en plus est de plus en plus éloigné de ta tête, quoi. En fait, la grotte a l'air de encore plus gagner en ampleur, quoi. Jusqu'à ce que tu découvres aussi des espèces de piliers absolument gigantesques, colossaux. Et il y a des et en fait, t'entends des choses bouger dans les stalactites. Et donc, il y a l'air d'avoir des créatures volantes qui nichent en fait dans les hauteurs. D'accord. On entend des fois des cris aussi. Je pense que du coup, je vais garder une main sur mon arc. J'ai dû passer la corne de la bête à ma ceinture, Ouais. mais je veux pas me faire surprendre par une de ces bêtes au cas où elle me plongerait dessus. T'es soumise au manque lié à l'oubli. Comment ça se manifeste chez toi? Donc tu disais que c'était comme la sensation de manque Ouais, c'est ça, d'un ouais. Sauf que là, c'est pas une dose de drogue qui te manque, c'est des souvenirs, quoi. Ça fait comme un espèce de grand vide en toi, quoi, qui demande à être comblé, quoi. ben peut-être justement des souvenirs liés à ma sœur et le fait que quand je convoque son image, en fait, maintenant je vois que son cadavre et j'arrive plus à l'avoir en vie avec moi, partageant des moments, etc. Et donc je suis fébrile, enfin, j'arrive pas à convoquer ces moments dans ma mémoire. Et j'imagine que ça me rend très fébrile. Est-ce que par hasard c'est aussi lié, enfin cette accentuation du manque et cette impression de perdre les souvenirs que tu avais du vivant de ta sœur, quoi? Est-ce que c'est lié au fait d'être éloigné d'elle physiquement, en fait? Ben, je pense oui, parce que du coup ça doit beaucoup jouer, oui. Ouais, je vois. Ouais. Donc tu explores le lieu à la recherche d'êtres, de choses ou de réponses à tes questions. Alors du coup. Est-ce que tu es justement à la recherche de quoi es-tu parmi ces choix multiples-là? Qu'est-ce que tu recherches toi en priorité dans le lieu? Bah, je recherche une sortie, donc Sortie, ouais, tout à fait, ouais. Je m'en doutais, hein, mais je voulais être sûr. Normalement, il y a un jet de dés à faire en fait pour réussir ton exploration. Et tu peux choisir d'en lancer deux en fait, de lancer deux fois et choisir le meilleur, mais à condition en fait d'émettre des spéculations sur le secret recelé par ces lieux. Ben, en l'occurrence, des spéculations sur comment doit être la sortie ou. Très bien. Alors du coup, oui, ben, de toute façon, des spéculations sur les lieux, je pense que je dois m'en faire depuis que j'y suis rentrée, que j'ai vu ces énormes piliers calcaires. Et je me demande en fait si c'est pas une espèce de salle de réunion des dieux, en fait. Avec ces piliers qui représenteraient finalement chacun un trône. Pour la sortie, j'imagine quelque chose d'assez spectaculaire en fait. Évidemment, parce que les dieux savent ménager leurs effets. Et pourquoi pas une espèce de spirale en fait de lumière qui élèverait la personne qui rentre dedans vers le haut jusqu'à une sortie vers le plafond en fait donc une longue ascension comme ça dans une spirale de lumière pour atteindre et dépasser le plafond. D'accord, ouais. Donc t'évolues pour ainsi dire à tâtons à travers la nuit brune, quoi, et à la recherche de réseaux de lumière qui pourraient te conduire à cette fameuse spirale. Et donc tu vas jeter donc un lancer, c'est un dé pour les dizaines, un dé pour les unités, donc tu vas me faire deux lancers de la sorte. D'accord. Je vais essayer de pas jeter mes dés par terre cette fois-ci. En train d'explorer. Alors, j'ai fait 15 Ouais. et 32. Ok, alors le 15, c'est tu découvres ce que tu chasses, c'est-à-dire en l'occurrence le bouquetin. Et 32, ce que tu découvres doit absolument être scellé. Très bien. T'oscillerais du coup en lequel tu prendrais. Le bouquetin, je l'ai déjà trouvé, donc ce serait plutôt la deuxième solution, non? Ouais, d'accord, ouais. Eh bien, voilà comment je vois les choses, du coup. Je te laisserai en tirer tes conclusions à partir de ce que tu sais. C'est que, suivant des espèces de réseaux de lumière qui se forment à partir des mousses, tu vois, qui ont l'air de stocker en fait le peu de lumière qu'elles reçoivent par les dans la journée, et qui les de loin en loin les ont l'air de régurgiter la lumière, tu vois. Tu finis par trouver effectivement un endroit où les mousses sont particulièrement denses et en fait la lumière circule à travers les mousses comme dans un réseau, tu vois. Et ça forme un gros nexus, tu vois, entouré de piliers, tu vois, t'as une espèce de, en fait, de, les mousses se forment un réseau en spirale qui est extrêmement lumineux, quoi. Et ça forme comme un chemin sur lequel tu peux marcher, quoi. Et ça fait visiblement, en fait, il n'y a pas de, ça forme une espèce de portail, quoi. Très bien. Et au-dessus de ta tête, en fait, nichant dans un stalagmite, il y a un corbeau, en fait, blanc, albinos, tu vois, et aveugle. Tu peux le voir parce qu'il y a quand même pas mal de lumière grâce à la spirale, quoi. Et il te fait cra étrangère, tu es la dernière mortelle à pénétrer en ces lieux. Sache que très bientôt, les dieux vont revenir ici par le portail et ils vont comment aura lieu en fait la dernière assemblée des dieux sur laquelle ils vont statuer sur le sort du monde. Krah, il y a fort à gager que cette fois-ci, ils décideront que la forêt gagnera tout à fait et établira son emprise sur les totale sur les hommes. Votre race est vouée à disparaître. Je pense que je prends note de cette information. Encore une fois, j'ai pas trop envie de me dévoiler devant le corbeau, mais je dois gamberger pas mal, en particulier me dire que ce serait pas mal en fait éventuellement de sceller le passage vers la grotte au moment où tous les dieux y sont assemblés. Ouais, tu les enfermerais en fait dans la grotte. Exactement. Ah ouais, d'accord, et ça c'est vrai, c'est pas mal. Moi je pensais que tu allais sceller tout de suite le passage, mais en fait tu feras ça plus tard, ouais. Ouais, je vois. Pas pour les empêcher d'entrer, mais pour les empêcher de sortir, quoi. Exactement. Sachant que tu sais qu'il y a une autre sortie pour le coup, puisque il y a une communication vers la champignonnière, quoi. Oui, c'est vrai. Qui est sans doute pas beaucoup moins évidente, mais qui existe quand même, quoi, pour le moment. C'est sûr. Après, ça doit être plus difficile à fermer parce que j'imagine que les dieux doivent avoir de la force ou diverses aptitudes pour dégager des passages. Mais en tout cas, ce portail magique-là serait fermé, donc ça pourrait leur causer quelques petits soucis quand même. Ouais, tout à fait, je vois. On méditera là-dessus plus tard, mais effectivement, t'es déjà en train de mettre en place un plan d'action. Donc, du coup, tu suis la spirale pour essayer de quitter de passer par le portail? Ah oui, tout à fait. Je pense que ben on l'a vu après la fin de ma première journée, je suis devenue plutôt imprudente. Et donc du coup je vais aller dans ce portail sans presque d'hésitation. Ouais. Du coup, alors que tu progresses en marchant sur la spirale de mousse gorgée de lumière, t'as des espèces, enfin, t'as des éclairs de lumière en fait qui sortent des mousses, un peu comme des éclairs d'orage, quoi. Hein. Tu sais que ça ressemble beaucoup à des branches, quoi, et qui en fait qui viennent se connecter à toi. Ok. Et Et donc tu. ça me fait mal ou quelque chose? Ouais, je pense que ça fait mal, en fait, un peu comme une espèce de déchirement ontologique, parce que littéralement, en fait, ils sont en train d'absorber ta matière pour la régurgiter ailleurs, quoi. D'accord. Donc c'est pas du tout un moment agréable à passer, hein, c'est certain, quoi. Effectivement, suite à une immense douleur qui te donne l'impression d'avoir passé sur la chaise électrique, tu te retrouves littéralement projeté ailleurs, quoi. Je pense que pendant tout ce temps, j'ai raffermi ma prise. Donc j'avais dû ranger mon arc, hein, puisque j'ai vu que les oiseaux m'ignoraient à part ce corbeau. Mais par contre, j'ai dû affermir ma prise sur la corne pour me donner Ouais. le courage d'aller jusqu'au bout et de me Tout à dire. fait. Ça vaut le coup d'essayer, quoi. Ok. Et en fait, la première chose que tu vois, c'est une spirale identique, mais ailleurs, quoi. Tu te fais à nouveau frapper par les éclairs alors qu'ils te recomposent et recomposent ton corps de l'autre côté, quoi. Et en fait, tu te retrouves dans une forêt qui est absolument aberrante, quoi. Ok, alors attends un petit instant. C'est un endroit complètement dingue. En fait, si. Ouais, c'est. En fait, ce que tu vois, c'est. C'est une forêt dans laquelle nichent tout un tas de corbeaux qui sont noirs cette fois-ci, ils ne sont pas albinos. Et en fait, il y a plein de trous dans le sol. Et de ces trous pendent des branches, des lianes, des toiles, des racines, tu vois, enfin tout un réseau de filaments, quoi. Et en fait, quand on regarde par les trous, on voit une autre forêt dessous, quoi. D'accord. C'est comme si c'était une forêt à étages, quoi. Et donc, ces trous permettent d'accéder à différents endroits du monde, en quelque sorte, quoi. Et D'accord. donc, tu sais qu'il y a forcément un trou qui va te ramener là d'où tu viens, quoi. Et donc, cet endroit, une sorte de, je sais pas, on pourrait dire de Valhalla, des corbeaux, quoi, qui connectent le monde à d'autres endroits du monde, quoi. Et c'est ainsi que se finit la journée, dans cette espèce de cacophonie de volatiles, quoi, qui craille. Du coup, tu connais un moment de réconfort? Quand même. Oui, voilà. Attends 2 secondes, je me suis pas oublié un truc. Ouais, durant cette exploration, donc avant le réconfort, là, tu as également l'opportunité de te transformer ou de trouver un être et ou une chose qui vont désormais t'accompagner. Cette transformation ou cette association sont très tentantes, mais si tu y cèdes, il y aura aussi des conséquences dramatiques. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ou est-ce que tu préfères me laisser la main là-dessus? En fait, je sais pas moi, d'instinct, je dirais que j'ai envie qu'il y a un corbeau qui m'accompagne. Enfin, je veux dire, ils doivent connaître ce monde Ouais, tout à fait, ouais. pour tromper l'ennui. Ils ont certainement exploré la plupart des trous. Est-ce que c'est le corbeau albinos ou est-ce que c'est un autre corbeau que tu trouves à la sortie? Le corbeau albinos, il a l'air d'en connaître pas mal, donc j'avoue que Ouais. m'associer à lui, ça Très bien, ouais. serait pas mal, c'est sûr. Puis en plus, Donc, il sait parler, donc. ouais, tout à fait. Donc, après, on va le préciser, mais il y aura aussi des conséquences dramatiques au fait que tu sois associé à ce corbeau. D'accord. On verra plus tard ce que c'est, quoi. Bon, le simple fait qu'il n'avait pas l'air très friendly envers l'humanité peut nous laisser des indices, quoi. Quel serait ton réconfort du coup du jour? Est-ce que ça vient de toi ou de l'environnement? Je pense que en voyant, en comprenant un petit peu la topographie des lieux et en voyant ces trous et en me disant que je vais peut-être pouvoir revenir d'où je viens, je pense que je suis prise d'un espoir fou en fait, de pouvoir retrouver ma sœur et de pouvoir réparer quelque chose quoi par rapport. Ouais. Donc voilà. Ouais, tu dis c'est bon, je vais trouver le trou avec ma sœur, puis tout va s'arranger, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, évidemment, il y a un coup de la fin de la journée. À la fin de la journée, un danger ou un problème s'annonce. Est-ce que c'est toi qui anticipe ça, ou est-ce que t'as un signal de l'environnement, ouais? Je pense que ça doit plutôt être un signal de l'environnement là, parce que moi je suis toute à T'as une positive attitude. voilà, exactement. Eh bien, je pense que tout simplement le corbeau craille en fait à ton oreille et dit le dieu qui te pourchasse à retrouver ta piste, il sera bientôt sur toi. Je pense que ça doit me calmer un peu. Ok, donc du coup on va passer à une nouvelle journée si ça te va. Oui. C'est maintenant le 3 de messe. Donc, le lieu, c'est une aberration organique. Hein, donc, en fait, c'est l'endroit que je sais décrire. Oui. On peut anticiper. Le moment de la journée. Cette fois-ci, c'est la presque nuit. Qu'on a un peu décrit, Oui. ni jour ni nuit, c'est assez silencieux. Le climat, c'est le brouillard qui monte en fait des trous, quoi. Ce qui se tira aujourd'hui, c'est un trouble mental. Je te laisserai définir duquel il s'agit. Nous sommes toujours sur le feu et le pavot. L'élément de Millevaux du jour, c'est la ruine ou les ruines. L'historiette du jour est la suivante. Les enfants font la chasse au dahu. Oh, oh, oh. Ils en abandonnent un là-haut. Dia, dia, dia, il sera la proie du horla. Petite comptine. Très rassurant. Voilà. Et le détail forestier, c'est à nouveau le corbeau. Bastien. Donc je récapitule. Hein. Le lieu, une aberration organique. Pendant la presque nuit, avec du brouillard, tu es tiraillé par un trouble mental. Tes symboles sont le feu, le pavot. L'élément de Millevaux, c'est la ruine ou les ruines. L'historiette du jour, c'est les enfants font la chasse aux dahus. Oh, oh, oh, ils en abandonnent un là-haut, d'enfants. Hein. Dia, dia, dia, il sera la proie du horla. Et donc, détail forestier, c'est le corbeau. Qu'est-ce que tu t'attends pour aujourd'hui, en fait? À quoi tu t'attends? Bah là, retrouver ma sœur, retrouver le bon trou et sauter à pieds joints dedans pour retrouver ma sœur. Alors, il s'avère que tu la retrouves pas du premier coup, malheureusement. C'est-à-dire que du premier coup, en fait, tu sautes. En fait, du premier coup, enfin, il semblerait que tu vois ces trous, c'est pas le hasard complet, quoi. Parce que quasiment du premier coup, tu te penches sur un trou et c'est là où tu as, comment dire, où tu avais laissé le corps de ta sœur, quoi. Et en fait, les taillis qui la recouvraient ont été entièrement retournés, quoi. Et donc, tu as une grande trace qui montre que le cadavre de ta sœur a été traîné, en fait, Ah oui, mince. littéralement avec les brancards, quoi. Donc, sans doute par une créature qui a suffisamment de force pour y parvenir. C'est pas une créature humaine, parce que si tu veux, il y a des traces de pattes, en fait, de gloutons, quoi. D'accord. Partout quoi, et il y a son odeur ultra caractéristique quoi, il a pissé, chié dans les environs quoi, ça sent vraiment très mauvais, une odeur ultra musquée quoi, et donc la créature s'est barrée avec le cadavre de ta sœur quoi. Très bien. Et donc ce qui est la question que je vais te poser c'est est-ce que tu pars à la recherche? Est-ce que tu réescalades les lianes pour monter dans le Valhalla des corbeaux et entre guillemets entreprendre ta chasse par ce biais-là? Ou est-ce que tu préfères plutôt quand même partir de la surface et donc suivre la piste du glouton? Je pense que je vais suivre la piste du glouton. Elle est assez énorme pour que je puisse ne pas me tromper, quoi. Ouais, c'est ça. Donc t'es suivi par le corbeau qui forme une espèce de tache blanche dans cette espèce de nuit sans couleur qu'elle a presque nuit, quoi. Évidemment, le brouillard complique ta piste, mais d'autant plus que si tu veux, au bout d'un moment, le glouton, qui est un animal vicieux, rappelons-le, a trouvé des astuces pour brouiller ses pistes, notamment, tu vois qu'à un moment, en fait, il a traversé une rivière, quoi, il a dû nager quelque temps pour que tu retrouves pas sa piste. Mettons que tu finisses par la retrouver, en fait, il s'avère qu'un peu plus tard, il nage dans une autre rivière, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, il a l'air d'avoir pris un malin plaisir à te rendre ta traque particulièrement malaisée. Et donc, Ça va être. ça va pas être de tout repos, quoi. D'accord. Et donc, t'as de cette forêt, en fait, de loin en loin, il y a des ruines de maisons, tu vois, couvertes de mousse, des petites maisons simples, en fait, avec des toits défoncés, des poutres vermoulues, et à l'intérieur, qu'en reste encore, plus que quelques objets familiers, des habitats très simples. Et de ceci résonne une atmosphère de désolation, tu vois, de faillite de l'humanité, quoi, puisque des foyers les plus rustiques, les plus simples, en fait, sont finalement été retombés dans la forêt et sont désormais éventrés par les racines et les branches, quoi. Et les quelques objets qui restent, une vieille cafetière, une casserole, n'ont plus aucune signification pour personne, quoi. Je vois. Mais de toute façon, je pense que j'ai pas du tout envie de m'arrêter dans une de ces maisons, même si Ouais, la nuit tombe, parce que là, je... t'es focus sur la traque, ouais. Exactement. Ok, donc t'explores en fait ce lieu. Je suppose à nouveau que tu es à la recherche de ta sœur. Hein. Oui, toujours. Et donc il va avoir un lancer de dés ou deux si en fait si tu émets des spéculations sur justement le secret recelé par ces lieux, quoi. Donc, tu parles des ruines, du coup? Bah, la forêt et ses ruines, quoi, effectivement, c'est un ensemble, quoi. D'accord. La forêt, ses ruines, ses rivières, quoi. Ouais. Pendant que tu réfléchis à ça, t'es suivi par ce corbeau dont il est difficile de savoir si c'est un allié ou un ennemi. Ah! Ah! Ah! Je te laisse émettre tes spéculations. Ouais, je pense du coup que quelque part la rapidité et la facilité avec laquelle le glouton en fait a essayé d'effacer ses traces et s'est repéré dans la forêt me font penser quelque part que la forêt a facilité son Sa fuite, trajet, quoi, ouais, sa fuite. Et du coup, je suis folle de rage, quoi. Je pense que j'hésite pas à arracher des pleines poignées d'herbe sur mon chemin, à les balancer devant moi, et puis de temps en temps, même pourquoi pas à crier. Je pense que je. Encore une fois, je pense que dans les caractéristiques de mon personnage, j'ai certaines certitudes intérieures qu'il faut que je me fasse justice moi-même. Et c'est vraiment ce que je ressens à ce moment-là, quoi, que de toute façon, personne m'aidera et encore moins l'environnement, encore moins la forêt, il y a que moi, en fait, qui peut. C'était sur le monde, quoi. Voilà, exactement. Seul contre tous. Ouais, et donc du coup, je pense que c'est une bonne spéculation qu'effectivement la forêt s'est liguée contre toi. Ça me paraît pas mal pour te brouiller la piste. Peut-être même que ces rivières elles-mêmes se sont déplacées, tu vois, ou des choses comme ça. Et donc, tu vas jeter deux fois un dé 66, quoi. Un pour les dizaines, un pour les unités. Tu jettes deux fois. D'accord. Donc je fais 61 et 61, purée. Okay, bah, il n'y aura pas de choix. Ouais. Ce que tu recherches a déjà été dérobé par quelqu'un ou quelque chose. Oui, mais c'est le cas, je le sais déjà ça. Ouais, mais en fait, moi je te propose, j'ai une explication que je vais te proposer en fait. C'est que tu vas retrouver le glouton en fait. Mais sa proie, qui est en l'occurrence ta sœur, ça t'arrive trop tard. C'est-à-dire que sa proie lui a été dérobée. D'accord. Tu vois l'idée? Oui, je vois. Ça paraît logique. Et en fait, donc. Ouais, c'est. En fait. T'arrives dans bah, en fait tu finis par trouver le terrier du glouton quoi. Une espèce d'énorme terrier tu vois creusé par une créature qui a presque la taille d'un ours quoi. Ouais. Blindé de racines sentant vraiment le fauve la mort quoi. Et en fait il l'a amené dans son terrier peut-être sans doute pour déguster ta sœur quoi tranquillement quoi. Et en fait il a visiblement commencé par déchirer les liens. Donc il y a Ouais. plein de liens partout, tu vois. Et en fait, tu découvres le cadavre du glouton qui a été frappé et ouvert dans le dos, quoi. D'accord. Par Par quelqu'un une de arme? visiblement, bah, par une arme ou une griffe, c'est vraiment difficile de savoir, quoi. D'accord. Et c'est en tout cas, c'est quelqu'un suffisamment soit rusé, soit puissant pour pouvoir quand même. Réussir à backstabber un glouton, quoi. Ouais, Enfin, ok. c'est pas le premier animal ou le premier humain venu qui a pu faire ça, quoi. Et qui t'a. Alors, il reste le travois, en fait, les liens, un coup, mais ta sœur a disparu, quoi. D'accord. Et durant cette exploration, tu as également l'opportunité de te transformer ou de trouver un être et une chose qui vont désormais t'accompagner. Ces transformations à nouveau sont et cette association sont très tentantes, mais si tu y cèdes, il y aura aussi des conséquences dramatiques. Bah, je pense que je vais demander au Ouais, mais si je me transforme de cette manière, le problème c'est que j'ai tout mon équipement à transporter Je serais tentant de te transformer en corbeau, c'est ça? Bah oui, c'est ça, mais là je peux pas laisser mon équipement derrière moi, c'est pas possible, il y a Bah, la surtout corne. la corne, ouais. Ouais. Donc non, bah je vais pas me transformer alors. Mmh. Et du Ouais, coup, je je pense vais qu'à mon déjà avis, le. c'est sans doute le corbeau albinos qui t'a proposé ça. Il a dit, si tu veux, je peux te transformer en corbeau, tu vois, ça va être vachement pratique. Ouais, je pensais aussi que ça pouvait être lui qui Ouais. m'aurait donné le secret de la métamorphose, mais du coup je pense que c'est très tentant, je dois hésiter un long moment et finalement refuser sa proposition parce que sur moi donc je transporte la corne, je transporte la poupée de ma sœur, enfin il y a mon pavot jaune aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas fumé. D'ailleurs, je pense que c'est lié au fameux trouble mental qui me tiraille. C'est que je suis carrément en manque, en fait. Enfin, Ouais. ça fait trop longtemps que j'ai pas fumé. Ah, t'as Et peut-être droit à une petite scène de réconfort, du coup. ouais. Ok. Est-ce que par hasard tu prends pour connaître le réconfort, est-ce que tu prendrais du pavot? Eh bien oui, du coup, et si je peux éventuellement me faire un petit feu aussi. Un petit feu pour te réchauffer, ouais. Ouais. Je cracherai pas dessus, bien au contraire. Et je pense qu'à mon avis, il va y avoir une révélation. Donc le pavot, c'est que bah, ça te fait du bien, ne serait-ce que ça apaise la sensation de manque physique, hein, parce que t'es dépendante, quoi. Rien que ça, c'est un réconfort important, ça te permet de pas te concentrer sur tes malheurs, quoi. Et je pense qu'à mon avis, le suspense de fin de journée va être lié. C'est sans doute qu'il y a une révélation avec le pavot. Et en l'occurrence, c'est quoi? C'est l'anticipation d'événements à venir. Alors, on avait dit ordinairement que les visions liées au pavot me revenaient. Est-ce que ça te va ou est-ce que finalement tu préfères anticiper Non, toi-même? ça me va toujours. Ok. Alors, ça c'est pas évident. Ah, tu veux le t'en débarrasser sur moi? Ouais, bah si, en fait, je vais être très clair. En fait, t'as la vision d'un sélacanthe. C'est un poisson noir et aux écailles huileuses et à la tête recouverte de plaques d'os, Ouais, je vois, ouais. avec des yeux comme vitreux et morts, et puis une bouche garnie de crocs. Et en fait, il flotte dans la forêt comme si c'était de l'eau, quoi. Et en fait, il y a le cadavre de ta sœur qui flotte autour de lui. C'est comme s'il était prisonnier de son orbe, de son aura, quoi. Il la traîne avec lui, quoi. D'accord. Et il fait comment? Il lâche en fait des petits plasmes noirs qui sont comme autant de pistes pour que tu le retrouves. Et il fait viens à moi, viens retrouver ta sœur, quoi. Je t'attends et je vais pouvoir t'oxyre. Et en fait, c'est le dieu qui te donne la chasse. D'accord. Bien. Donc l'anticipation d'événements à venir, c'est évidemment une confrontation avec cette créature, quoi. Oui. Alors, si tu veux bien, il nous reste un quart d'heure avant la nuit. Ouais. Donc, est-ce que tu es d'accord? On pourrait arrêter là si tu ressens de la lassitude, ou alors on peut faire un dernier jour en fait pour essayer d'amener un climax. Ouais, bah on peut faire ça, en effet. Ok. Alors on va tester les règles du dernier jour. C'est un peu particulier parce qu'en fait tous les lancers de dés sont faits en double, ce qui donne beaucoup plus de contrôle en fait sur la fin. D'accord. Alors. Le 4 de messe. Quatre de messe. Du coup, le lieu. Je vais te dire à chaque fois deux entrées, puis c'est toi qui choisiras, ça te convient? Oui, très bien. Le lieu, ça va être soit une forêt de sacs plastiques, ou alors un cimetière. Bah, je préfère le cimetière. Le moment, ça va être. Bah là, il n'y a pas le choix parce que j'ai fait deux fois l'aube. D'accord, ça nous changera un peu. Ouais. Le climat, ça va être le brouillard ou alors un climat différent, magique ou étrange. Ben, le climat magique, ça me va bien. Pour un climax, c'est pas mal. Ce qui te tiraille aujourd'hui, tu as le choix entre la soif et un trouble mental. Ouais, bah je vais prendre la soif du coup, comme le trouble mental c'est déjà hier. Ok. Donc, tes symboles sont toujours le feu et le pavot. L'élément de mille-vaux du jour, c'est la ruine ou les ruines, ou alors l'oubli ou la mémoire. Oubli ou mémoire, ça va ensemble, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Ok, bah dans ce cas-là, je vais prendre ça. L'historiette, par contre, il n'y en a qu'une qui n'a pas vraiment le choix. En l'occurrence, c'est j'ai vu marcher de noirs sélacanthes, j'ai vu glisser des limaces sans forme, j'ai vu frissonner la chair des anémones, la forêt de corail. Hop, et le détail forestier du jour. C'est soit les lianes grimpantes ou rampantes, ou alors asticots verts, larves ou chenilles. Ouf, ce sera les lianes. Est-ce que je peux te demander 2 minutes? Oui. Ok. Le suspense est à son comble. Très bien, je vais faire de la musique en attendant. Ma sœur, ma sœur, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? J'ai froid. J'ai froid. Il y a trop d'eau. J'ai froid. Toute cette terre au-dessus de ma tête. Toute cette eau. Au-dessus de ma tête. Ma sœur, dépêche-toi. Dépêche-toi. J'ai peur sans toi. Rappelle-toi les bons moments. Ne te rappelle que de ça. Ok. Donc c'est parti pour ce 4 de messe. Je récapitule très rapidement. Donc on a un cimetière à l'aube, pendant un climat différent, magique ou étrange, où règne ta soif. Il y a le feu et le pavot, l'oubli et la mémoire. Et tu as vu marcher de noirs sélacanthes, glisser des limaces sans forme. Tu as vu frissonner la chair des anémones dans la forêt de corail. Et pour finir, il y a des lianes grimpantes ou rampantes. Ok. À quoi t'attends-tu? Ben, je m'attends à un affrontement, c'est sûr. Alors, en fait, tu as le choix entre une exploration et une péripétie pour cette D'accord. journée. Donc, qu'est-ce qui va changer en fait? Bah, je dirais exploration, ça va sans doute être un petit peu comme il y a eu avec le bouquetin. Il va falloir explorer, suivre la piste du Sélacanthe, tu vois, jusqu'à une confrontation finale, quoi. Et D'accord. péripétie, il y a de fortes chances qu'on aille direct au conflit, quoi. Ouais, ben du coup, peut-être une péripétie. Ok. Parce que je trouve qu'on a déjà suivi pas mal de pistes jusqu'à maintenant. Donc, En effet, ouais. Et donc, péripétie, tu vas jeter deux fois un dé 66 Ok. pour déterminer la nature de la péripétie. Alors, 54 Ouais. ou 21. Donc 21, c'est tu as la possibilité de trouver un passage secret et 54, c'est un antagoniste. Antagoniste qui peut être le Sélacanthe, hein. Oui, ben oui, ben l'antagoniste, du coup, ça nous emmène droit au but. Ouais, c'est ça, ouais. Donc à l'issue d'une en fait si on peut dire les choses, de toute façon le Sélacanthe, il a laissé des macules noirâtres, hein, à travers la forêt, et clairement c'était à dessein, quoi. Tu n'as que suivre ce chemin de petit poucet fait d'encre organique pour le trouver, parce qu'en fait il veut que tu le trouves, quoi. Par contre, ce qu'il a sans doute voulu, c'était choisir le lieu de la confrontation. En l'occurrence, c'est un cimetière. Un cimetière perdu au milieu de la forêt, tu vois. Les pierres tombales sont dévorées par la mousse. Hein. Les inscriptions sur les caveaux sont à moitié indéchiffrables. Et une aube timide se lève en fait dans ce cimetière, quoi. Et qui marque le terme d'une nuit blanche employée à la traque, qui te laisse en proie finalement à un vidage total de tes énergies, notamment t'es tiraillé par la soif, n'ayant pas pu trouver de source satisfaisante sur le chemin, quoi. Et le climat, on va dire différent, magique ou étrange, qui règne, c'est qu'en fait, il semblerait que l'influence du Sélacanthe transformer la forêt, tu vois, pour y mettre sa marque aquatique. Tu vois des espèces de limaces avec recouvertes de branchies blanchâtres qui glissent sur le sol et qui n'ont pas l'air d'être des créatures terrestres en réalité. Et il y a des anémones qui poussent sur les arbres, leurs tentacules vibrillonnent dans l'air comme si en fait l'air était fait d'eau, quoi. Et pour tout dire, c'est presque le cas, dans le sens où tu as l'impression d'avancer avec difficulté dans l'air, quoi, comme s'il était devenu un élément à queue. D'accord. T'as des coraux qui sont mis à pousser sur les tombes. T'as les lianes, en fait, les lianes qui descendent, tu sais, du Valhalla des corbeaux, quoi. Et Oui. tu vois, en fait, le ciel, tu vois, c'est le ciel n'est qu'une. L'aube, en fait, te parvient par des puits de lumière qui sont formés par les trous, quoi. Mais le ciel en lui-même a été remplacé par de l'humus, quoi. D'accord. Et un humus d'où partent en fait des myriades de poissons blanchâtres et aveugles, quoi. Et visiblement, l'influence du Sélacanthe est en train de transformer la forêt de Millevaux, quoi. Et c'est ce que veulent les dieux, en fait, c'est imprimer leur marque sur le monde. Que les humains soient d'accord ou pas, quoi. Et OK. en fait, il a. Le Sélacanthe a. S'apprête donc, tu vois qu'il a traîné le corps de ta sœur, quoi. Et en fait, il s'apprête à le jeter dans une fosse commune, tu vois, un petit peu pour que ça. Alors attends. T'as pas trop de soucis avec le non-respect lié aux morts Non. Ouais, j'aurais dû te poser la question avant, mais bon, bref. Tu vois, il s'apprête à balancer le corps de ta sœur dans une fosse commune pour qu'elle soit enterrée sans sacrement, tu vois. Et que, bah, comme une chose, quoi. Ouais, je vois. Et il tourne son visage fait de plaques osseuses vers toi, quoi. Et il fait, je rêvais que tu vois ça avant de mourir de ma nageoire. Alors il parle pas vraiment en fait, tu vois, il parle dans ta tête, quoi. Espèce de voix D'accord. ultra rauque, caverneuse, qui vient des abysses, qui a l'air de remonter, de faire écho dans tes ossements, tu vois, pour te parler de l'intérieur, un peu comme du ventre. Ben, dans ce cas, je vais lui répondre les poings serrés. Très bien, ben, je l'ai vu, alors maintenant on va voir qui va mourir de toi ou de moi. Donc ton objectif c'est de le tuer, hein. Ah Ça, oui. je pense qu'on a bien compris. La conséquence négative de l'échec, ça serait quoi? Moi, je pense que tu l'as formulé, hein, mais Que je. je mourrais. Ouais, c'est ça. Et la conséquence positive de l'échec, s'il pouvait y en avoir une. Ben, en fait, le corbeau qui m'accompagne pourra emmener au moins la poupée de chiffon jusqu'à ma famille et raconter ce qui s'est passé. Ok, oui. Il y aura un hommage qui sera fait, une mémoire qui sera rendue. Voilà. Très bien, ouais. Ouais, parce que là, si c'est fait comme ça, il respecte pas ta famille, ni ta sœur, et puis c'est une sorte d'oubli provoqué, quoi. Ok. Alors là, ça va être honnêtement, ça va être assez facile, hein, je pense, parce que. Tu peux déjà doubler ton jet de dés par le fait d'utiliser ta vice ou ton vertu ou si c'est important ta quête. Ta quête, c'est laquelle déjà? Retrouver Retrouver ma ta famille. famille. Ouais. Je pense que c'est important pour ta quête, hein. Bah oui, c'est même vital, Donc ça fait deux lancers de dés, et en fait, comme on est sur le climax, au final, ça fait un lancer de dés en plus, donc tu vas lancer des dés trois fois, quoi. on Donc tu jettes trois va D6 et tu pourras retenir le meilleur, quoi. dire. Ok. D'accord. J'ai encore fait tomber un dé, je sais pas où. Bon, tant pis, je vais en prendre Avoir plein de dés à tes pieds, là. un. Alors, du coup, j'ai fait 3, 4 et 3. Ah! C'est chaud. En fait, c'est le pire résultat possible, hein. Ah, Malgré tes 3D. Et donc, en fait, tu peux encore triompher, mais il va y avoir un prix à payer. d'accord. Donc, tu verras si tu es prête à payer ce prix ou pas. Donc, tu vas lancer deux fois un D66. D'accord. Alors, du coup, je fais 56. Ouais. Et 12. Alors, 12, le 12, c'est tu contractes une maladie en voulant tuer le Sélacanthe. Ouais. Ou alors 56, c'est peut-être dans le but de tuer le Sélacanthe ou après l'avoir tué, ton vice va s'exprimer avec force. Mon vice, c'est quoi déjà? La toxicomanie. Ah oui, ok. Bah, je préfère que ce soit mon vice qui s'exprime, en fait. D'accord. Alors, est-ce que c'est que tu prends de la drogue pour te battre ou est-ce que c'est après le combat tu vas ressentir un besoin très important de prendre de la drogue? Je pense que du coup, comme j'ai vu ce que ça faisait d'avoir les yeux bandés et de combattre la créature fantastique Ouais. que j'ai combattue plus tôt. et que je l'avais fait avec succès. Du coup, je vais peut-être essayer de réitérer l'expérience, en fait. Donc, au lieu de me jeter sur le Sélacanthe, je vais certainement me bourrer une petite pipe de pavot jaune. Ouais, c'est Et, ça. Je suppose que tu fais un petit jeu de chat et la souris entre les tombes dans un premier temps pour avoir le temps de faire ta pipe tout à fait. avant qu'ils te retrouvent. Et une fois que tu as pu la faire, tu bandes les yeux et là, à ce moment, évidemment, tu vas pouvoir voir le Sélacanthe avec les yeux du destin, quoi, et Oui. savoir exactement où il faut frapper pour le tuer. Alors après, ton vice s'exprime à quel point c'est paroxystique, tu vois. Enfin, c'est quand même censé être là dans un état quasiment de non-retour, quoi. Hein, parce que ton vice s'exprime avec force, quoi. Hein, c'est pas une. Oui. Parce que pour le moment, c'est juste positif pour toi, là. Oui. Je pense qu'en fait, j'ai dû mettre une dose presque, De cheval, ouais. voilà, quasi mortelle pour être sûre que j'allais arriver à triompher de cet affrontement. Et je pense que si je m'en sors vivante. Certainement que je serai aux frontières de l'au-delà, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, donc du coup, en fait, l'affrontement avec le Sélacanthe est titanesque, et tu vois tout un tas de zébrures et de branchages du destin, tu vois, qui guident tes pas, mais c'est connecté à tout un tas de choses, tu vois, c'est totalement fortement connecté à ta sœur aussi. Tu vois des branchages vers le corbeau, des choses comme ça, mais en fait, à force, ça ressemble à des veinures de sang, tu vois, et t'as l'impression que t'as les yeux, genre, tu sais, injectés de sang, du coup, quand on cligne ses yeux et qu'on voit ses veines, tu vois. Je vois, ouais. Donc, ça, c'est clairement, ça prend un tour assez maladif, quoi, hein, assez viscéral, mais grâce à ça, effectivement, tu arrives à toucher le point sensible, genre juste entre les branchies du Sélacanthe, quoi, l'espèce de point de faille en fait sous sa plaque osseuse, quoi. Tu arrives à toucher ça du premier coup et tu le one shot avant que lui-même ait pu t'arracher la tête d'un coup de sa puissante mâchoire. Ouais, je pense qu'en plus j'utilise la fameuse corne. Alors je l'ai pas encore montée sur une arme, Ah mais oui, c'est vrai, ouais, ça paraît logique en fait, ouais, je dis l'arc, mais c'est vrai que ça paraît logique parce que c'est un dieu, hein, donc tout à que fait. ce Donc soit ça. je tiens la corne fermement et je pense que ouais, je dois l'ouvrir entre les deux branchies d'un coup sec et sûr. Voilà, enfin qui laisse aucun doute, pas enfin. Sur l'issue qu'il va connaître. Ouais, donc il s'écroule en fait, s'embroche dans les croix et les pierres tombales. Il se vide en fait de son immonde substance divine noire, quoi. Et t'as terrassé la bête, hein, et t'as pu comment le corps de ta sœur repose doucement au sol, n'a pas été jeté dans la fosse commune, fort heureusement. Et là, tu connais un réconfort. Ouais. Est-ce que ça vient de toi ou de l'environnement extérieur? Eh ben, je pense que ça vient de moi. Je pense qu'en fait, là, par rapport à tous les déboires que j'ai connus avec le corps de ma sœur et tout ça, je pense que c'est moi qui vais l'enterrer en fait et faire une prière sur sa tombe, peut-être lui tresser les cheveux avant de l'enterrer, enfin décrotter un peu ses habits, voilà, tresser des lianes comme je l'avais fait, mais cette fois-ci pour former des couronnes et donc la mettre proprement en terre. Et faire une petite cérémonie comme ça qui, je pense, moi, m'apaisera beaucoup. Et du coup, je pense que je vais graver aussi peut-être un morceau de bois pour que son nom soit pas oublié. Et quand j'irai voir ma famille pour leur raconter les derniers moments de ma sœur, j'aurai plus que la poupée pour témoigner, mais finalement, je me dis que ce sera certainement mieux qu'un cadavre qui sent mauvais et qui n'a plus de forme, quoi. Ouais. Est-ce que je peux rajouter deux petits détails? Oui. Le premier, c'est que le corbeau albinos, pendant le temps des funérailles, en fait, s'est éloigné pour te laisser en toute intimité. En fait, il a dû estimer que c'était te manquer, ça aurait été finalement te manquer de respect que de rester là. Et en fait, au moment où tu as fini les funérailles, au moment de toucher la pierre tombale, en fait, en touchant la pierre tombale, tu es frappé par un. Alors, toi-même que tu es souffrante, hein, puisque tu étais entre la vie et la mort, hein, actuellement, à cause de l'overdose de pavot, en fait. En touchant, en fait, la pierre tombale, il te revient un souvenir heureux avec ta sœur, un souvenir que tu avais oublié. J'ai pas forcément envie de le décrire, quoi. C'est juste pour te dire que tu retrouves comme ça un bon moment, quoi, passé D'accord. avec elle. Très bien. Et on va terminer donc avec la fin de la journée. Tu vas lancer 2 D6. Hop, je fais un 5 et un 3. Ok, tu as le choix entre un doutémi ou un coup de théâtre. Ah bah je sais pas, moi je pense que ça peut être sympa de. Parce que là on termine, c'est ça? Ouais. Donc je sais pas, je trouve que ça peut être marrant de terminer sur un coup de théâtre en fait. Eh bien, t'as une idée ou tu préfères me laisser la main? Eh bien, oh, j'ai pas d'idée là comme ça. Enfin, j'ai plusieurs pistes en fait, mais pas d'idée qui prend forme en fait. Ok. Bien, du coup, je vais amorcer, puis si jamais ça te lance, tu concluras. D'accord. En fait, alors que vraiment les funérailles sont terminées, et que le jour s'achemine vers le crépuscule, eh bien, en fait, il y a une myriade de corbeaux qui descendent des trous du Valhalla des corbeaux, quoi, et qui convergent vers le cimetière, et tu vois le corbeau blanc se poser au frontispice d'un caveau, quoi, et il te regarde. Crah! Tu veux compléter ou... Oui, peut-être. Ouais. Peut-être qui me dit quelque chose du genre mes frères ont guetté à travers les trous du Valhalla et ils ont trouvé contre qui exercer ta vengeance pour sauver enfin pour la mémoire de ta sœur. Et voilà. Tintin. Ok, ouais, très bien. Non, c'est marrant, c'est pas ce que je pensais, mais du coup, c'est cool. Avec ta permission, on va s'arrêter là. Oui, ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dernier moment de. Il va y avoir une chanson, et puis après, on passe en privé. D'accord. Cette blessure. Où meurt la mère comme un chagrin de chair? Où va la vie germer dans la forêt? Qui fait de sang la blancheur des berceaux? Qui se referme au marbre du tombeau? Cette blessure, d'où tu viens?